Ce n'est qu'un point de poésie dans le ciel des matins de pluie, le satin rose de ta peau que je caresse avec des mots. C'est un baiser un peu futile dans un tendre matin d'avril. C'est une bouteille à la mer, une oasis dans le désert. Une chanson. Fan de chansons françaises de tous les temps et tous les autres, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Yves est à la technique, Daniel en votre compagnie, pour vous présenter la cerise sur le canto, c'est le numéro 30, un panorama de chansons françaises d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier, et même des tubes de demain. Puis un jury neutre qui classe les chansons de l'émission, et sans plus tarder, les résultats de l'émission précédente, la cerise sur le canto numéro 29, c'était il y a 15 jours, médaille de bronze, pour Julio, Julio Iglesias, une nuit de carnaval. Une nuit de carnaval, de lumière, de musique, qui est entrée dans le bal. Comme un ouragan magique, une nuit de carnaval, de folie et de délire, dans ce vacarme infernal, je n'ai vu que ton sourire. Oui, mais toi pour me tourmenter, en jouant de l'oeil et des hanches, qui dansait sans me regarder, ingrata paloma blanca. Oui, mais toi pour me rendre fou, emporté dans cette avalanche, qui riait de me voir jaloux. Ingrata paloma blanca, tourne, tourne sans te lasser, vole, vole sans t'arrêter, chante, chante, mais dis laisser, tu finiras par déchanter. Tourne, tourne sans te lasser, vole, vole sans t'arrêter, chante, chante, mais dis laisser, tu finiras par déchanter. Une nuit de carnaval, de guitare et de tapage, dans un geste machinal, qui avait fait ton corsage. Une nuit de carnaval, dans la folle farandole, sur ce rythme tropical, je te vis vers mes friboles. Oui, mais toi pour me tourmenter, en jouant de l'oeil et des hanches, qui dansait sans me regarder. Ingrata paloma blanca, oui, mais toi pour me rendre fou, emporté dans cette avalanche, tu riais de me voir jaloux. Ingrata paloma blanca, tourne, tourne sans te lasser, vole, vole sans t'arrêter, chante, chante, mais dis laisser, tu finiras par déchanter. Tourne, tourne sans te lasser, vole, vole sans t'arrêter, chante, chante, mais dis laisser, tu finiras par déchanter. À peine sorti de Kid United, Erza Mucchioli se hisse maintenant dans les charts avec Je chanterai. Erza Mucchioli. Bien moyen. pensait qu'on était égaux. C'était beau, mais c'était faux. Je voulais pas voler trop vite, mollo, mollo. J'étais petite et c'était tôt, tellement tôt. On te demande d'imaginer demain, mais demain c'est loin, n'est-ce pas? T'as pas une idée de métier, non rien. Et j'étais comme toi. Soudain le chanteur a fait oui, oui, oh. Et tout le monde a crié oui, oui, oh. Si c'est une vie de santé, oui, oui, oh. C'est décidé, je ferai oui, oui, oh. Je chanterai. Demain c'est loin pour moi. J'avais pas d'idée de métier, non rien. Et je n'en voulais pas. Soudain le chanteur a fait yo yo yo. Et tout le monde a crié yo yo yo. Si c'est une vie de chanter yo yo yo. C'est décidé, je ferai yo yo yo. Je chanterai. Oh, vous savez que je vous vois d'ici. Oui, oui. Eh ben oui, vous avez forci. Vous avez forci. 1 kilo, 2 kilos, peut-être même plus. C'est le moment de perdre tout ça, n'est-ce pas? Soprano et son cousin Germain Vejadwim sont classés premiers cette fois avec le coach Soprano Vejadwim. Enchaîne les squats, enchaîne les squats, enchaîne les squats, squat, squat. Abdo dips, pompe bar, abdo dips, pompe bar. Frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, sac, sac. Allez, va chercher le chrono, va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée, tous ensemble à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio, on va taper dans le cardio. On va viser dans le coach, tu vas savoir qui est coach. 10 secondes de récup et on repart. Eh oui, ah ben ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. C'est bon, vous pouvez vous poser, tout va bien. Ben vous aussi, vous pouvez jouer au tiercé des chansons. Pour ça, il suffit de vous rendre sur la page Facebook de l'émission La Cerise sur le Canto, et là, vous disposez de 3 propositions pour gagner, quoi, le cadeau de la semaine. Bonne chance, et place à la sélection d'aujourd'hui. Alors tout d'abord, une chanson de 1994, extrait de l'album « Chant du possible » en duo avec Jimmy Cliff, mélodie, tempo, harmonie, Bernard Lavillier, Jimmy Cliff. Sur sa guitare, ses riffs comme des fluides transpercèrent le brouillard. Puis la lumière dorée du soleil de Négri planait sur la fumée en petites notes agiles. Ses textes étaient précis et bourrés d'humour noir. C'était donc mon ami depuis ce fameux soir. Passer 10 ans à dormir en prison, c'était une drôle d'affaire pleine de coups d'escopette, de transporteurs de fonds et puis de grosses galettes. Calogero, un chanteur originaire de la banlieue grenobloise, ami dauphinois, bienvenue à Radio Fagette Nancy, compositeur, musicien et multi-instrumentalisme. Alors il joue de la basse, de la guitare acoustique, du clavier, de la guitare wah-wah, du synthé, du piano, du mellotron, guitare électrique, et il a sorti un single en 2017 intitulé « On se sait par cœur ». On se connaît, on se sait par cœur, lequel de nous deux fera le dernier pas ? On se sait par cœur, Calogero. S'écrouler si l'un claque la porte. On se sépare, on se sait par cœur. On serait comme un frère aime une sœur. Et si l'un part, est-ce que l'autre en meurt? Lequel de nous deux osera? Qui fera le dernier pas? On se sépare, on se sait. Qu'on se dit ne peut faire fondre la glace. Aucun n'est un incendie qui gronde à la surface. Avant que tourne le vent et que retombent les cendres. Si on jouait comme avant à raccrocher ensemble, on se sépare, on se sait pas. Quand on a passé la porte, est-ce qu'une fois dans la rue, une vague nous emporte? Si enfin on arrêtait de résister au courant et qu'on se laissait porter jusqu'à l'océan, lequel de nous deux osera? Qui fera le dernier pas? On se sépare, on se sait par cœur. On se hait comme un frère aime une sœur. Savez-vous que lorsque je rencontre des auditeurs fidèles, souvent des auditrices d'ailleurs de la cerise sur le canto, ils et elles me font part de leur plaisir de redécouvrir ou de découvrir tout simplement les vieilles chansons françaises nanties d'un sens caché, oh, très souvent grivois, et c'est souvent le charme des chansons des années 30. La pipi panthère, Georgius. Une chansonnette agrémentée d'un lot. Si le couplet semble bête, le refrain est rigolo. Mais il n'est pas facile, celui qui le retiendra, celui qui mettra dans le mille, voilà ce qu'il gagnera. Une pipi panthère, une pipi panthère avec son étui, oh oui, oh oui. Une pipi panthère, une pipi panthère avec son étui, ah oui. En sortant de la mairie, mon cousin l'autre jour à sa petite chérie disait des mots d'amour. Et le soir de ses noces, on n'a pas idée de ça, en riant comme un gosse, voilà qu'il lui donna sa petite pipi, sa pipi panthère, sa pipi panthère pour mettre dans les tuyaux, oh oui, oh oui. Sa petite pipi, sa pipi panthère, sa pipi panthère pour mettre dans les tuyaux, ah oui. Je vais l'autre semaine au Moulin Rouge danser. Je passe un type qui se démène avec la petite pépé. Qui dit le diable m'emporte, monsieur qu'avez-vous dedans? Qui grossit de la sorte la poche du pantalon. Mais c'est ma pipi panthère, ma pipi panthère avec son étui, oh oui, oh oui. C'est ma pipi panthère, ma pipi panthère avec son étui, ah oui. Sur le boulevard Poissonnière, je rencontre deux jeunes gens, tout maquillés ma chère, et qui parlaient drôlement. Le plus grand disait Pierre, t'es vraiment sans souci, et tu me mets en colère, hier soir tu t'es assis. Sur ma pipi panthère, ma pipi panthère, t'as cassé les tuyaux, bah oui, bah oui. Sur ma pipi panthère, ma pipi panthère, t'as cassé les tuyaux, bah oui. La pipi panthère avec son aiguille, ah oui. Pierre Vassiliou, ça vous dit quelque chose? Ah, il était né en 1937 et il nous a quittés en 2014. Son père, c'était un médecin roumain immigré en France qui jouait également du violon et sa mère pratiquait le piano. Alors, peu discipliné, c'est le moins qu'on puisse dire, Pierre Vassiliou fut viré du domicile familial à l'âge de 15 ans à cause de ses conneries. Passionné de sport hippique, on le retrouva jockey dans les années 50 et également professeur d'équitation pour subvenir à ses besoins. Et c'est alors qu'il rencontra Roger Pierre et Jean-Marc Thibault qui l'encouragèrent à composer de la musique. Vassiliou servit pendant 29 mois en tant que photographe des armées au cours de la guerre d'Algérie. Et il passa en conseil de guerre pour avoir diffusé, grâce à un camion de l'armée équipé de haut-parleurs, une chanson dont le texte était jugé antimilitariste. Une autre chanson aujourd'hui, la plus connue de Pierre Vassiliou. Qui c'est celui-là? Pierre Vassiliou. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis sa bagnole, les gars. Elle est drôlement bizarre, les gars. Ça se passera pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Il a un drôle d'accent, ce gars-là. Il a une drôle de voix. On va pas se laisser faire, les gars. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Non mais ça va pas. Je ne suis pas un playboy, je ne fais pas de mine. Avec ma grosse moustache et mon long nez de queen. Mais je ne sais pas pourquoi quand je souris aux filles, elles veulent toujours m'emmener coucher dans leur famille. Et leur mari disait de moi, qui c'est celui-là? ce n'est pas de ma faute à moi si les femmes mariées préfèrent sortir avec moi pour jouer à la poupée. Elles aiment mes cheveux blonds et mes yeux polissons, mais je crois que ce qu'elles préfèrent c'est mon petit ventre rond. Et leur mari disait de moi, vous saviez comme c'est beau d'être bien dans sa peau. Je bois mon pastis au bar avec le chef de gare. Je me gare n'importe où, je vous jure que je suis heureux. Mais ça emmerde les gens quand on vit pas comme eux. Et les gens disent de moi, que sur cette terre tout n'était que vice, et que pour faire des affaires je manquais de malice. Je montais dans mon engin interplanétaire et je ne remis jamais les pieds sur la terre. Et les hommes disaient de moi, qui c'est celui-là, complètement bloqué, ce mec-là, complètement gaga. Il a une drôle de tête, je dis pas, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a. Et puis champagnole les gars, elle est vraiment bizarre les gars. Ça se passera pas comme ça, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là. Et maintenant, une chanson qui apporte un vent frais, agréable à nos oreilles, avec des sonorités très disco. Oh, cela de quoi nous rendre nostalgiques de la grande époque de ce style de musique. Et la voix de Rose, reconnaissable entre mille, est absolument irrésistible et une seule écoute ne suffira probablement pas. Larmes et faillettes, Rose. J'ai le cœur usé comme un disque rayé qu'on a trop écouté. J'ai le cœur up-tempo comme un tube de disco qu'on a dansé de trop. J'ai le cœur vinyle qui part au quart de tour. Et sur ma platine, faut que ça tourne là. Quand s'égare le diamant, quand ça change de chanson. J'ai le cœur qui prend froid, comme pour la première fois, sur un slow de ABBA. J'ai le cœur vinyle qui part au quart de tour. Et sur ma platine, faut que ça tourne là. J'ai le cœur éparade qui n'aime plus qu'on le balade, qui veut remplir des stades. J'ai le cœur vinyle qui part au quart de tour. Et sur ma platine, faut que ça tourne l'amour. Petit en beau la facette, percé des larmes paillettes. Sur la piste de danse, toujours secouer la tête. Toujours remuer les hanches. Petit en beau la facette, percé des larmes paillettes. Sur la piste de danse, belle séquence maintenant de Cerise sur le canto, en Cerise sur le canto. Nous allons nous efforcer de remonter le temps et découvrir pour chaque émission le chanteur, l'artiste qui a représenté la France au concours Eurovision de la chanson. 1956, ah ben oui, on part de loin, marque la première édition du concours Eurovision de la chanson et il se dénommait alors le Grand Prix européen de la chanson. 7 pays s'affrontaient en Suisse, à Lugano, et chacun d'eux avait deux interprètes. Pour la France, c'était Mathé Altéry et Dany Demerson qui défendaient les couleurs du drapeau bleu-blanc-rouge. La chanson gagnante fut « Refrain », chantée par Lys Assia, qui officiait pour le compte de la Suisse. On était en Suisse. Et la suite du classement ne fut jamais annoncée. Les bulletins de vote ayant été détruits immédiatement. Ah, ça sent la magouille tout ça, non? Le temps perdu, Mathé Altéry. Temps perdu, chante ta chanson à mon cœur éperdu, moi je pleure celui que j'aime. Verse dans le soir mon rêve et mes sanglots, versant-moi l'espoir de le revoir bientôt. Hâte-toi car j'attends toujours. Vienne le temps du bonheur, calmer mon cœur. Coule le ruisseau vers la mer qui t'attend, roule dans tes eaux toute la vie du printemps. Moi, toujours j'attends ton retour. Les heures s'enfuient lentement dans la nuit, chacune d'elles monotone. Et j'attends le jour, imaginant toujours que tu me rendras ton amour. Un jour, chante, Carillon, chante pour mon bonheur, chante ta chanson si légère à mon cœur, chante aussi pour celui que j'aime. Dans le soir, nos étreintes d'amour vert, sans moi l'espoir de le garder toujours, chante, j'oublie le temps perdu. Sonne, mais sans te presser, l'heure d'amour qui nous retient enlacés. Qui t'attend, roule dans tes eaux toute la vie du printemps. Moi, toujours j'attends ton retour. Le dernier album de David Hallyday s'intitule « J'ai quelque chose à vous dire ». Il comprend notamment la chanson « Éternelle », une chanson dont les paroles semblent être adressées à une certaine Laetitia Hallyday, sa belle-mère, avec qui il est en litige, le mot est faible, au sujet de l'héritage de son père. C'est très clair ce que je raconte. J'avais besoin de sortir les événements de cet horrible dernier jour que j'ai vécu, que Laura a vécu, ainsi que ma famille à Marne-la-Coquette. Il fallait que je remette les choses à leur place. J'y vais fort, parce que c'est très fort. Et pour rappel, quelques heures avant le décès de Johnny Hallyday, David s'était rendu à Marne-la-Coquette, où résidait son père, afin de lui dire un dernier adieu. Mais il avait dû repartir sans pouvoir le voir. Éternel David Hallyday. Cherche encore ton cœur, j'ai lu ton visage. Le vague mépris n'est pas l'état sauvage avec lequel j'ai appris. Tu peux m'empêcher de poser ma main sous son corps blessé. J'ai tout le temps de savoir enfin qu'on peut tout casser ou tout effacer pour tuer ceux qui s'aiment. Faudrait déchirer le ciel. De tenir sa main, rien ne peut souffler la flamme d'où je viens. Tu peux tout casser ou tout effacer pour tuer ceux qui s'aiment. Faudrait déchirer le ciel. Je la voyais tous les premiers jeudis du mois, tous les Auf Wiedersehen, Serge Lama. Je la voyais tous les premiers jeudis du mois. Dans son studio, j'étais au chaud comme chez moi. Elle faisait brûler de l'encens dans du mobilier 1900, en me racontant au fond du lit avec un accent de Paris. Tous les Wiedersehen, tous les goodbye, my dear, tous ces hommes qui les gênent là où y a pas de plaisir. Tous les Wiedersehen, tous les goodbye, my dear, tous ces hommes qui les gênent là où y a pas de plaisir. Je la voyais tous les premiers jeudis du mois. Pour commencer, elle me faisait un petit repas. Elle me câlinait comme une maman qui aurait pas pu avoir d'enfant, en me racontant, pour que je rie, les exploits de ses petits maris. Tous les envies de Rosen, tous les goodbye, my dear, de ces hommes qui les gênent là où y a pas de plaisir. Tous les envies de Rosen, tous les goodbye, my dear, de ces hommes qui les gênent là où y a pas de plaisir. Je la voyais tous les premiers jeudis du mois. Ce soir encore, je pense à son corps entre tes bras. Et je me demande quelquefois si elle m'aimait pas plus que toi. Et certains soirs, au fond du lit, j'entends avec mélancolie tous les envies de tous les goodbye, my dear, de ces hommes qui les gênent là où il n'y a pas de plaisir. Quoi de plus romantique pour déclarer sa flamme à sa bien-aimée que le jardin zoologique, un lieu exceptionnel, hein, oui, pour flirter. Alors on y rencontre des kangourous, des ours, des otaries, des phoques, des hippopotames, des hérons, des bisons, des chamois, des castors, des zèbres, des éléphants, des guenons, des ouistitis, des orang-outans, des grands condors, des petits aussi, non ? Des sapajous, des élans, des mouflons, des ibis, des girafes, des chameaux et des guépards. Quoi de plus stimulant pour la libido ? Quoi, je vous le demande ? C'est une chanson de 1937. Je vais au zoo avec Zizi Fernandel. Bien des tourtereaux, c'est l'usage, quand ils veulent parler d'amour, s'en vont rêver sous les ombrages, aux Tuileries, au Luxembourg. Moi je connais, c'est véridique, un endroit bien moins fréquenté, c'est le jardin zoologique, aussi le dimanche pour fierter. Je vais au zoo avec Zizi et l'on se promène au ralenti devant la cage des kangourous, on se dit des mondes. Près de l'ours Martin, on se prend la main. Près de l'otarie, on se sourit. Et près des phoques, je me sens loufoque. Mon cœur fait toc-toc. Sur mon âme, devant l'hippopotame, je lui dépeins ma flamme. Devant le héron, nous nous serrons. Devant le bison, nous nous bisons. L'amour nous a sans contredit au zoo avec Zizi. Et le soir après la dinette, dans un tout petit restaurant, quand nous montons dans sa chambrette, je me sens la force de nos rangs. Ma Zizi est une gazelle, je suis pour elle son grand condor. Et sous les dredons de la belle, en rêvant d'amour quand tout s'endort, je vais au zoo avec Zizi et l'on se promène au ralenti. On se tient d'abord joue contre joue comme les sapajous. Puis devant l'élan, je prends mon élan et près des mouflons, dame nous soufflons. Mais devant l'ibis, elle me crie bis et ça s'avodisse. si j'agrafe par hasard la girafe, je reste en carafe. Devant le chameau, je ne dis plus mot, mais devant le guépard, vite je repars. L'amour nous a sans contredit au zoo avec Zizi. Par hasard la girafe, je reste en carafe. Devant le chameau, je ne dis plus mot, mais devant le guépard, vite je repars. L'amour nous a, quand je vais partir au zoo avec Zizi. Philippine, chanteuse peu connue du grand public, s'est révélée grâce à un concours organisé par Énergie. Gavin James est un artiste à part, irlandais, autodidacte, qui connaît dans le monde un succès considérable, pensez 800 millions d'écoutes sur les plateformes de streaming pour son album Bitter Pill. Alors la voix de Philippine, à la fois fragile et rassurante, vient parfaitement se confondre à la sensibilité et l'envoûtante voix de Gavin James. Sur une mélodie envoûtante et une intensité indéniable, ils se passent la balle, l'un chantant en anglais, la seconde dans un français parfait et un petit accent irlandais à croquer. Qu'est-ce qui se passe, Daniel? Voilà que tu passes maintenant des chansons en anglais. Non, mais c'est simplement pour faire plaisir à Philippine. Always, Philippine et Gavin James. What am I supposed to do without you? Is it too late to pick the pieces up? Too soon to let them go. Est-ce que tu gardes en toi mon visage? Et dans une boîte toute notre histoire, la clé n'est plus qu'un mirage. Reviens vers moi, vivons un rêve d'enfant. Reviens comme avant. T'es dans ma tête.

Et c'est ainsi que s'achève la cerise sur le canto numéro 30, consacrée à la chanson française de tous les temps. Merci à Yves pour la réalisation technique et merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de jouer au tiercé des chansons en vous rendant sur la page Facebook de l'émission. Et puis vous pouvez également retrouver le podcast en allant sur le site de Radio Fagette. Alors si le podcast ne fonctionne pas, alors c'est pas grave, je vais vous donner un truc, vous le répétez à personne. Vous tapez Radio Fagette WordPress, WordPress W-O-R-D, Press, P-R-E-2-S. Et là, en principe, vous allez y arriver. Voilà, c'est un secret entre nous, n'est-ce pas? À part ça, la prochaine cerise sur le canto, c'est dans 15 jours. Mais nous serons quand même avec vous dimanche prochain pour vous présenter Patchwork à l'écoute des musiques du monde. En attendant, soyez heureux et branchés sur Radio Fagette Nancy 94.2 pour les Lorrains et sur le net fagette.net pour les autres Européens. À ce sujet d'ailleurs, je voudrais vous dire quelque chose. Monsieur Trump, il a l'habitude de dire USA first. Et nous aussi, nous disions Radio Fagette Nancy first, n'est-ce pas? Bon, quelquefois, on annonce beaucoup d'ailleurs, j'ai remarqué, les émissions de télévision qui vont avoir le jour et tout, et on oublie de parler des émissions de Fagette qui auront lieu en même temps. C'est un peu dommage. Alors, poursuivre si vous voulez, à la cerise sur les cantos, vous allez retrouver dès 11h, discothèque classique avec Thierry, ça va durer jusqu'à midi, et puis à midi vous retrouverez Couleur locale, c'est une rubrique consacrée aux artistes régionaux, ça dure une demi-heure, et à 13h, Europe and Roll, là ce sont les étudiants de Sciences Po qui vont œuvrer. Allez, bonne écoute sur Radio Fagette Nancy, au revoir.